Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Il est 10h. Dans la course avec les Sport News sur Energy. And you're listening to Energy. Et voici les Sport News. Merci d'être avec nous dans les Sport News ce week-end. N'oubliez pas le numéro de téléphone 03 21 38 17 17. C'est parti. Sport News. Et on commence par le football et en Ligue 2. Et bien à 15h, le derby de choc. Hein, Valenciennes et bien sera face à Lens. En National, et bien à 15h, l'USBCO se déplace à Quevilly. Boulogne a réussi son entame de championnat avec pour l'instant et bien une place sur le podium. Objectif donc réussi, je vous le disais, pour Teddy Thomas de l'USBCO. L'objectif, c'est de finir le plus haut possible, selon nos moyens, selon nos envies. Si on peut finir le plus haut possible, ben on s'en gênera pas et voilà. Il fallait définir la qualité de l'équipe de Boulogne cette année par rapport à l'année dernière. Il y a quelque chose qui a changé ? Ce qui a changé, peut-être, c'est, je dirais qu'on a un très gros collectif, un groupe qui est assez jeune mais qui vit très bien. Et je pense que ça peut faire notre force cette année. Teddy, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci à toi. Et voilà, et ça se voit bien naturellement sur le résultat. Je vous rappelle, un gros match à suivre également à la télévision, Quevilly-Boulogne à 15h. Hier soir, eh bien, Dunkerque a reçu Marseille-Consola. C'est une défaite des nordistes, 1-2, au classement provisoire du week-end. Eh bien, Dunkerque est quatrième. Ce week-end, quatrième tour de la Coupe de France. Les rencontres auront lieu donc demain à 15h. Et du côté des filles, eh bien, chez les féminines, c'est aussi la Coupe de France. Les Audomaroises, eh bien, iront demain à Béthune, qui évolue en excellence. Et ce dimanche à 15h, à la Voir au Cri, eh bien, l'équipe de l'USBC au Saint-Léonard, chère à Frédéric Bouclet, eh bien, va recevoir FC Lorient. C'est la troisième rendez-vous, donc, bien sûr, et troisième au classement pour l'équipe des filles. Du côté du basket, eh bien, c'est également la reprise du championnat. Le BCM, eh bien, s'est déplacé à Toulon hier soir. Défaite de Gravelines, 75-62. Il faudra redresser la barre après la défaite chez un promu. Lundi 3 octobre, eh bien, c'est une première rencontre à domicile face à Paris-Levallois. Ce sera un match à suivre, naturellement, découvrir cette nouvelle équipe et des places à gagner, bien sûr, en écoutant les Sport News. Le SSM a effectué son premier match en Pro A. C'était hier soir chez eux, face à Nantes. Défaite du Portel 65-85. Il manquait de l'agressivité, de l'intensité dans la rencontre. Pour l'entraîneur du Portel, la proie eh bien, est un beau challenge pour le SSM. Et c'est aussi un challenge très excitant avec des garçons qui ont du cœur, qui ont envie de progresser et qui vont progresser parce que le bon niveau qu'ils avaient en Pro B l'année dernière ne sera pas suffisant pour être dominateur ou faire jeu égal en proie. Donc il va falloir que l'équipe et que chaque joueur progresse pour arriver à gagner nos matchs, quelques matchs, dans ce dur championnat qu'est la proie. Et oui, et ça démarre mal pour le Portel, 65-85. Les Nordistes ont pu retrouver Jean-Frédéric Morency qui jouait eh bien, au BCM l'année dernière. Il était bien sûr dans le camp de Nanterre. En Pro B, eh bien, il faudra attendre pour le championnat dans quelques jours. Ce soir, gros match du côté de Dan-Raymond. L'SOMB eh bien, reçoit le Havre pour le compte de la Leader Cup. Une équipe revue à 80% pour Boulogne, l'entraîneur Germain Castano. C'est pas forcément un choix. D'habitude, parfois, il y a certains joueurs, pour tout dire, on aimerait les garder. Hein, mais les bonnes saisons que le SOMB a fait ou les performances individuelles plutôt positives de ces garçons-là font qu'ils sont demandés ailleurs et ils s'en vont. Donc c'est difficile de garder une ossature. À mon grand regret, j'aimerais parfois garder 5-6 mecs qu'on aime vraiment et la compléter avec 3-4 joueurs. Mais bon, il faut faire avec. Hein. On n'a pas les moyens de garder ces joueurs quand ils partent avec d'autres ambitions. Donc, mais on sait faire, donc on va pas se plaindre. Moi, je suis content de la façon dont ça se passe maintenant et je suis super content du recrutement qu'on a fait. Très honnêtement, je savais qu'on allait avoir une équipe performante, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Il y a vraiment un bon mélange entre la jeunesse et de l'expérience. Et ça, je peux vous dire que je viens aux entraînements tous les matins avec un grand sourire et avec beaucoup, beaucoup d'envie de la découvrir. Voilà, rendez-vous donc ce soir, hein, salle dans Raymond, l'SOMB Le Havre, en National 3, et bien toujours du côté de Boulogne avant la rencontre. L'équipe B et bien va recevoir Paris Levallois. Toujours en basket et en National 3, et bien Grandfort BCM ira à Bonconseil, l'Olympique Grande-Synthe reçoit Amiens. Le BCA, et bien qui a signé 4 bonnes recrues cette année aux commandes Fabien Desfachel, nouveau coach, hein, du club de Hardre. Le BC Hardre, et bien se déplace à Gennevilliers. Et en Prénat, et bien Saint-Martin-Boulogne ira à Beuvrage, le BCBSO se déplace à Douai, Calébé ira à Comines et Grande-Synthe se déplace à Lille. Du côté du rink hockey, eh bien c'est la reprise du championnat ce soir pour le SCRA, et ce soir, eh bien pour le premier duel, on reçoit le champion en titre, La Roche-sur-Yon. L'entraîneur Fabien Sabreux possède bien sûr cette année un effectif qui est digne d'une grande équipe et de jouer le titre, on l'espère naturellement, une équipe complète avec de bonnes recrues. Duarte, nouvelle recrue, revient sur son parcours. J'ai fait ma formation à Turquel, c'est un club, c'est un bon club à Portugal, c'est un club, une bonne formation. J'ai fait 20 ans presque à Turquel. Après j'ai arrêté une année pour mon école, pour finir ma licenciature de sport. J'ai été en Espagne une année et je reviens au club national du Portugal. J'ai fait une bonne saison et c'est à cause de ça que Plonier a parlé avec moi et j'ai arrivé à France. Et voilà, il est chez nous, donc ce soir, une grosse affiche, hein, au Brucus, le SCRA face à La Roche-sur-Yon. Et bien noté que Nicolas Guilbert, eh bien, sera l'entraîneur-joueur de l'équipe réserve. En volée ce week-end, eh bien, reprise pour le SARC. L'équipe première évolue en National de 3 cette saison et va recevoir, eh bien, Dunkerque et l'Isle-les-Lanois. C'est ce dimanche, hein, pour le premier tour de la Coupe de France. Premier match 11h. Handball, Coupe de France. Hasbrouck, eh bien, se déplace à Ronchin, Fâche-du-Ménil. Ce soir, le HBLM, eh bien, reçoit Grandfort à 20h30 au complexe des Bruyères. Longnes a bien démarré le championnat en battant haut la main Neuville-en-Ferrin. C'était la semaine dernière. Mercredi, de 13h30 à 16h30, eh bien, l'école de Paguet du BCK vous offre la possibilité, eh bien, de venir vous initier au canoë-kayak avec Maxime Beaumont, pas n'importe qui, médaillé d'argent au JO. Rendez-vous donc 7 boulevard Jancy, c'est dès 13h30, c'est mercredi, hein, pour ceux qui ont envie de le rencontrer. Il est sympa, je ne sais pas s'il y aura la médaille, à mon avis il va la garder bien dans la poche, mais vous pourrez l'avoir un jour, pas de promis, comme je l'ai vu la semaine dernière. Et puis grosse surprise jeudi soir pour l'entraîneur et les joueurs, eh bien, de hockey sur glace d'Amiens. Juste après son concert, eh bien, Justin Buber a décidé de venir s'entraîner avec eux. Et c'était vraiment quand même un rendez-vous tenu secret depuis quelques jours pour les dirigeants du club d'Amiens qui ne voulaient pas voir la foule, mais simplement les joueurs s'entraîner avec lui. Formidable. Il a délaissé le petit camion de pompiers pour maintenant jouer sur les patins. Il est grand, Justin. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. Bon week-end. Premier invité à 10h30. Sport News. Toute l'info sportive du Nord Littoral avec JF. Sport News vous a été présenté par votre agent général AXA Assurance, Bertrand d'Ambricourt, place Foch à Saint-Omer. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy. But it's hard when you take on the world alone. A one shot that you fire at the sky, hoping someone else can see it. Just a sign that you're not out there on your own. We come one tonight. I've been waiting.

Vous avez déjà rêvé de perdre du poids sans avoir l'impression de faire un régime? Avec Régimebox.fr, c'est possible. Vous mangez de vrais repas, délicieux et livrés à domicile. En plus, vous bénéficiez d'une réduction de 40%. Et surtout, ça marche. Je m'appelle Marie. Avec Régimebox, j'ai perdu 11 kilos en 3 mois. Michel, j'ai pris 15 kilos quand j'ai arrêté de fumer. J'ai tout perdu en 4 mois en mangeant de bons petits plats avec Régimebox. Catherine, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois très facilement. C'est pas cher et on mincit vite. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Allez sur Régimebox.fr pour bénéficier de 40% de réduction. Régimebox.fr. Faites la teuf sur Énergie tous les week-ends avec les top DJ mondiaux. Énergie. Énergie. Extravagant. The DJs are great. Tiesto. Martin Garrix. Armin van Buuren. Sander Van Doorn. Hardwell. Dimitri Vegas et Like Mike. Steve Aoki. Et samedi 20h avec Morgan Nagoya et Jay Style jusqu'à minuit. Ici, c'est Énergie. La radio des top DJ mondiaux. Qui fait mieux que Conforama pour vos économies? Du 23 au 26 septembre, Conforama vous offre 10% de remise supplémentaire pour l'achat de deux produits meubles, déco et gros électroménagers des 400 euros d'achat. Et c'est en plus des promos. Alors, qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Offre valable hors cuisine, voire conditions sur Conforama.fr. Bonjour, je suis Sébastien Clairet, responsable véhicule occasion BMW Bayern Autosport. Vous voulez profiter des meilleures affaires BMW et Mini? Je suis heureux de vous annoncer que du jeudi 22 au samedi 24 septembre, vous allez pouvoir profiter des opportunités occasion BMW et Mini. 120 véhicules vous seront proposés avec un capital reprise Argus Plus pouvant aller jusqu'à 3000 euros. Des offres que vous ne reverrez pas tout de suite. Alors pour en profiter, rendez-vous dès aujourd'hui dans notre concession de Saint-Omer, zone commerciale Auchan à Arc. A tout de suite. Bonjour Monsieur Martin. Ah Monsieur Dubois, quelle surprise. Et qu'est-ce que vous faites là? À la Banque Populaire du Nord, on se déplace dans vos locaux afin de comprendre votre activité. C'est un minimum pour conseiller les pros, non? Ah super, on commence par quoi? Eh bien un petit café, ça me semble pas mal. Parce que les pros n'ont pas les mêmes besoins que tout le monde, nous les accompagnons comme personne. À la Banque Populaire du Nord, nous nous déplaçons dans vos locaux au moins une fois par an et quand vous le souhaitez. Banque Populaire du Nord, additionnez les forces, multipliez les chances. Le 2 octobre, les légumes débarquent à Saint-Omer. Tchou tchou. Hey chou-fleur, elle accueille comme tout le monde. C'est la 7e fête du chou-fleur et du légume à Saint-Omer. De 9h à 18h, place de la GR, animation, marché flottant, marché du terroir et l'incontournable course du marais. Et c'est pas des salades. Fête du chou-fleur et du légume à Saint-Omer, dimanche 2 octobre. Programme complet sur ville-saint-omer.fr. Moi j'ai plus un radis. T'inquiète, c'est gratuit. Découvrez un monde d'avant-gardisme et vivez une expérience unique. Allumez la nuit avec les phares Audi Matrix LED et prenez les commandes du futur avec l'Audi Virtual Cockpit. Nouvelle Audi A3, inspirée par le futur. Nouvelle Audi A3 à partir de 310 euros par mois sans apport. Offre en location longue durée sur 36 mois et 45 000 km réservée aux particuliers chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Voir conditions sur Audi.fr. Votre partenaire Audi à Boulogne-sur-Mer. SNAB, 122 boulevard de la Liane, Saint-Léonard. Les plus belles rencontres se font au salon du mariage qui se déroulera au Nagiti Hotel Château de Tilk ce samedi 1er et dimanche 2 octobre. Venez découvrir tous les prestataires pour que votre mariage soit un jour inoubliable. Le samedi 1er de 14h à 18h30, dimanche 2 de 11h à 12h30 et de 14h à 18h, rendez-vous au Château de Tilk pour le grand salon du mariage de l'Audomarois. Entrée gratuite et gagnée par tirage deux repas spectacles au grand cabaret de Vieux Berquin. Une organisation, lessalondumariage.com, de nombreux partenaires avec le concours d'énergie. Plus d'infos sur lessalondumariage.com. Énergie, premier supporter des Rouges et Blancs. 3-0 pour le Scra. Ce samedi 20h30, rendez-vous à la salle du Brocus de Saint-Omer pour un spectacle de très haut niveau. Ce week-end, venez découvrir la nouvelle équipe. Reprise du championnat, nouvelle équipe, le Scra reçoit la Roche-sur-Yon. Ensemble avec le Scra, vivons la passion du rink hockey. Avec les brasseries de Saint-Omer et Énergie, partenaire officiel du Scra. Salut, c'est Koé. Moi, j'écoute les Sport News sur Énergie. J'en fais pas, mais j'écoute. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau. Pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif et tu veux la consommer. Consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal. Sous bout, on a trop de la nuit. Et réaction à chaud dans les Sport News. Yannick, bonjour. Bonjour à vous. Alors, est-ce qu'on peut nous présenter un peu votre club, Club de plongée à Boulogne? Oui, donc c'est le Club de plongée des Amis de la Côte d'Opale. On est une petite structure qui. Nous sommes actuellement une quarantaine de plongeurs. Le bateau se situe sur Boulogne et le siège social sur le Portel. Et actuellement, on plonge à Ilicéa tous les jeudis soirs. On a envie d'en faire? Comment peut-on faire? On a envie de s'inscrire? Donc c'est une activité fédérale de la Fédération Française d'Études et des Sports Sous-Marins. Il y a une grande pluralité de clubs en toute la France. Sur Boulogne, il y a deux clubs. Donc si vous vous inscrivez sur un club, il faut savoir que vous pouvez être formé du niveau 1 au niveau 4 sur plusieurs années, évidemment. À quel âge on peut commencer à faire de la plongée dans votre club? Alors, dans notre club, à partir de 8 ans, c'est essentiellement réservé pour les plongeurs, les enfants des plongeurs du club. Et après, il y a d'autres clubs qui proposent des sections spécifiques enfants. Alors, ça veut dire qu'on peut déjà plonger en mer tout de suite ou on commence par la piscine? Par rapport au littoral, chez nous, on préfère faire des exercices préliminaires en piscine. Et ensuite, on peut tout de suite aller en milieu naturel. Vous prêtez le matériel, il faut s'inscrire, il faut avoir du matériel, on arrive avec son matériel, vous avez le matériel adéquat? Tous les débutants, on prête le matériel et ensuite, comme c'est quand même une activité individuelle, il est bon d'acheter son matériel personnel. On rappelle un peu votre club, hein, c'est le CAPCO. Les entraînements, comment fait-on pour s'inscrire? Un numéro de téléphone peut-être? Donc le CAPCO, donc, c'est le 06 07 48 11 17. Les entraînements, c'est tous les jeudis soirs à la piscine Ilicéa à 19h30. Yannick, merci beaucoup. On vous laisse plonger. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci à vous.

15h demain. Chez les féminines, eh bien, c'est aussi la Coupe de France. Les Audemaroises iront demain à Béthune, qui évolue en excellence. Et ce dimanche à 15h, eh bien, la Warocrie, l'équipe de l'USBC au Saint-Léonard, chère bien sûr à Frédéric Bouclet, eh bien, va recevoir FC Lorient, 3e au classement. Du côté du basket en Pro A, eh bien, c'était hier la reprise du championnat en Pro A. Le BCM, eh bien, s'est déplacé à hier Toulon. Défaite de Gravelines 75-62. Il faudra bien sûr redresser très vite la barre après cette défaite chez un promu. Lundi 3 octobre, eh bien, première rencontre à domicile face à Paris-Levallois. Et demain, vos places à gagner en écoutant bien sûr Énergie pour ce premier match à domicile. Le SSM en Pro A toujours, eh bien, a effectué son premier match hier soir face à Nanterre et c'est une défaite du Portel 65-85. Il manquait de l'agressivité et de l'intensité pour l'entraîneur du Portel. La Pro A, eh bien, un beau challenge pour son équipe, mais il sera difficile. Et puis c'est aussi un challenge très excitant avec des garçons qui ont du cœur, qui ont envie de progresser et qui vont progresser. Parce que le bon niveau qu'ils avaient en Pro B l'année dernière ne sera pas suffisant pour être dominateur ou faire jeu égal en Pro A. Donc il va falloir que l'équipe et que chaque joueur progresse pour arriver à gagner nos matchs, quelques matchs, dans ce dur championnat qu'est la Pro A. Eh oui, ce sera donc un championnat très difficile. Je vous rappelle donc des fêtes de l'ESSM hier face à Nanterre, 65-85. Et les nordistes hein, qui ont suivi du basket de Gravelines, eh bien, ont retrouvé Jean-Frédéric Morancy qui a signé désormais à Nanterre. En Pro B, il faudra attendre pour le championnat. Ce sera dans quelques jours, ce soir. Eh bien, gros match à Dan-Raymond. L'SOMB reçoit le Havre pour le compte de la Leader Cup. Germain Cassano eh bien, revient sur la composition de son équipe, revue à 80%. On s'est vite positionné sur certains joueurs, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. Mais c'est bizarre, mais De Jong, qui est notre bossman, et Pommier, qui était les derniers à Saint-Chamond, c'était des joueurs qui nous ont tapé dans l'œil très très vite, et on voulait absolument les garder. Donc on s'est vite retrouvé avec 4 joueurs, qui sont ces deux garçons-là, plus les deux anciens de l'année dernière. Et ensuite, on a construit en fonction de ça. Arthur Rosenfeld, qu'on voulait garder l'année dernière, qui voulait absolument plus de temps de jeu, on ne pouvait pas lui promettre, parce que nous, on voulait prendre un meneur de jeu d'expérience américain. Donc on l'a laissé partir. Et notre recherche a été ce fameux meneur de jeu américain. On a passé beaucoup, beaucoup de temps. On a voulu mettre beaucoup d'expérience là et dans la raquette. L'année dernière, on avait Ferdinand Prénon et qui était trop seul. On voulait mettre deux joueurs qui jouent 20 minutes, mais vraiment au taquet et à 300%. Et entre Pommier et Jbam à l'intérieur, ça va être solide avec un vrai meneur d'expérience. Voilà comment l'équipe a été construite. Un peu. Et c'est pas fini puisqu'il reste encore le Hollandais hein, qui est arrivé. Et vous verrez naturellement ce soir sur le parquet de la salle d'Henri-Mons d'SOMB, donc face au Havre. Boulogne, toujours en National 3. Et bien, après, avant la rencontre, cette équipe B eh bien, va recevoir Paris-Levallois. Toujours en basket, en National 3, eh bien, Grand Fort BCM ira à Bon Conseil. L'Olympique de Grande-Synthe reçoit Amiens. Le BC Ardres qui a signé 4 bonnes recrues, qui a des ambitions cette année. L'entraîneur eh bien, Fabien Desfachel, nouveau coach hein, pour cette saison. Eh bien, le BC Ardres se déplace à Gennevilliers. En Prénat, Saint-Martin-Boulogne ira à Beuvrage. Le BCBSO se déplace à Douai. Calébé ira à Comines. Et Grande-Synthe eh bien, se déplace à Lille. Du côté du Rink Hockey, eh bien, ce soir, gros match. C'est la reprise du championnat avec un match haut en couleur puisque eh bien, Saint-Omer va recevoir le champion en titre, La Roche-sur-Yon. L'entraîneur Fabien Savreux possède cette année vraiment une bonne équipe. J'ai eu la chance de les voir jouer en tournoi et en match également de préparation. Je peux vous dire qu'il y a eh bien, du potentiel cette année. Il n'y aura rien à voir avec la saison dernière. Une équipe donc complète avec de bonnes recrues. Et en voici une, c'est Duarte, nouvelle recrue du SCRA. Tu t'es dressé un objectif avant d'arriver ici, c'est les mêmes que l'équipe à mon avis, allez, c'est le podium, c'est la Coupe d'Europe, oui. L'objectif c'est clair, qui joue à Saint-Omer, c'est obligé à mettre dans sa tête et que c'est gagner le championnat et la Coupe France. Moi mon objectif personnel c'est ça, et l'objectif de les clubs c'est ça, et l'équipe, toutes les structures c'est ça. Et on va travailler pour ça. Comment tu pourrais la présenter techniquement, de bons attaquants, une bonne défense, comment tu peux nous la présenter? Sincèrement, je pense que cette année, SCRA, il peut être heureux d'avoir une équipe plus équilibrée et plus compétitive. Je pense que tous les traîneurs aimeraient bien avoir une équipe com 6-7 joueurs de bon niveau, porque ça donne envie de travailler, ça donne les joueurs sont obligés de travailler toutes les semaines, tous les jours pour avoir une place. Et je pense que l'équipe cette année, c'est vraiment équilibré. Mais maintenant, il faut montrer dans les salles, les pistes, tous les samedis, que nous sommes meilleurs que les autres. Et ce sera ce soir, hein. On verra bien s'ils sont meilleurs que les autres. Grosse affiche, donc au Brocus, le Scra face à La Roche-sur-Yon. Nous reviendrons bien sûr sur l'événement demain dans les Sport News. Et puis à noter que Nicolas Gilbert, qui jouait la dernière dans l'équipe première, sera désormais l'entraîneur-joueur de l'équipe réserve. Et rendez-vous bien sûr ce soir au Brocus. En volée ce week-end, reprise pour le SARC. L'équipe première évolue en National 3 cette saison et va recevoir Dunkerque et Lisle-les-Lanois. Donc je vous rappelle, en Coupe de France, ce sera donc premier match demain dès 11h. Avant de vous faire gagner vos places pour Lens, le prochain match de Lens à Bollard, handball en Coupe de France, Hasbrouck se déplace à Ronchin, face du Ménil. Ce soir, le HBLM reçoit Grandfort à 20h30 au complexe des Bruyères. Quentin reviendra également demain sur l'événement. Longnes a bien démarré le championnat en battant haut la main Neuville-en-Ferrain. Et puis mercredi 13h30, à 16h30, l'école de pagaie du BCK à Boulogne-sur-Mer vous offre la possibilité de venir vous entraîner avec le médaillé d'argent, bien sûr, Maxime Beaumont, au JO de Rio. Rendez-vous, boulevard Jean-Zy, c'est à partir de 13h30. C'est promis, c'est juré, pour emporter vos places, vos deux places pour le match de Lens, ce sera le prochain match. Quel est le nom du gardien qui a joué face à Orléans? Quel est le nom du gardien qui a joué face à Orléans? Merci d'écouter les Sport News. 03 21 38 17 17. On compte sur vous, Quentin. Sport News. Toute l'info sportive du Nord Littoral avec JF. Sport News vous a été présenté par votre agent général AXA Assurance, Bertrand d'Ambricourt, place Foch à Saint-Omer. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? I'm on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much.

mis noticias. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé. Réactions et commentaires à chaud, c'est dans les Sport News. Bertrand, bonjour. Bonjour Jeff. Merci d'être avec nous dans les Sport News. La reprise du championnat, on l'attend avec impatience. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à l'année dernière pour le HBLM ? Alors, les différences, il y en a beaucoup. La première, c'est qu'on est en redescendu en Union Régionale. On note aussi quelques joueurs cadres qui ont pris des retraites ou qui sont repartis dans des clubs proches de leur domicile. On a le départ de Fabien Gouillard, pour raisons professionnelles, qui ne pouvait plus faire le trajet. Il y a Yann Grabar, pour des raisons familiales, préfère rejouer dans le Béthunois. Donc il va falloir qu'on compense tous ces départs. Départ qui était annoncé clairement en fin de saison. Et puis voilà, ils ont donné beaucoup de leur temps, beaucoup de leur âme pour le club. On leur remercie et puis on espère les revoir très bientôt. Maintenant, il va falloir faire monter en compétences les jeunes. On a vraiment décidé de rebâtir une équipe très jeune, sans aller forcément chercher des joueurs à l'extérieur. On verra ce qu'on peut faire en Union Régionale. Et puis le projet, c'est de se maintenir dans la deuxième dans le premier temps. Et on verra derrière si on part construire un groupe capable de jouer en pré-national dans 2 ans, voire 3 ans, mais sur du long terme, pas sur du court terme comme on a pu faire il y a quelques années. L'entraînement des seniors garçons et féminins, et je laisse la gestion des matchs à Corinne de Laval pour des raisons personnelles cette année. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un entraîneur heureux de son équipe cette année ou tu aurais voulu plus ? Moi je suis satisfait de la tournure des événements par rapport à cette reprise de championnat. Pas te mentir, hein. Les joueurs qui nous ont quittés sont plus que des joueurs pour moi, c'est des amis. Et le gardien aussi. Et Fabien, tout à fait, c'est des amis qui s'en vont. Donc ça va manquer aussi bien sur le terrain que en dehors du terrain. Donc là, c'est problématique. Maintenant, c'est à nous à remettre en place une nouvelle dynamique. On a des joueurs, des jeunes joueurs très prometteurs, motivés et assidus. Avec ça, on devrait pouvoir au moins se maintenir en Union Régionale et reconstruire un groupe. Bon, je te dis, après avoir d'autres prétentions d'ici un an ou deux. On termine par les filles, très important également dans le club. Alors pareil, les filles, c'est ça en gros développement, un gros travail de Geoffrey Gruson, qui a pris l'orientation des filles en moins de 15. On a une équipe senior qui se rajeunit avec beaucoup de débutants, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais pareil, une équipe départementale. Conseil de débutantes et de confirmées, on a des retours de joueuses qui ont joué à un assez bon niveau. Donc pareil, on va essayer de faire en sorte que la mayonnaise prend et que tout le monde s'amuse. Bertrand, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Et puis allez, rendez-vous pour le premier match du championnat également. Mais en tout cas, merci et toujours à ta disposition. Pas de problème, merci. Tout de suite, retour à la musique sur NRJ. Bon week-end, merci d'être avec nous. De même galère, tu vois, tout est possible. Prouvons qu'être fier d'honorer nos pères nous rend invincibles. Pour le droit au respect qu'ils nous ont inculqué, brandissons l'un et l'autre.